15. Maintenant, le patron restait au lit avec la fièvre. Son état s'était aggravé à la suite d'une grosse pluie d'orage que nous n'avions pas su éviter et qui nous avait retenus trop longtemps sous un arbre du Luxembourg. Monsieur Bon s'alarmait de cette fièvre qui ne diminuait pas, malgré les soins et les médicaments. Par contre, Madame d'Alignac n'en prenait aucun souci et continuait à croire à la guérison très prochaine de son mari. Aux ouvrières qui la questionnaient et à Berjounette qui n'osait plus chanter, elle disait « Je l'ai vue bien plus malade que cela ». Églantine, qui était allée chez Monsieur Bon en secret, redoutait tout de ce refroidissement. Elle s'épouvantait aussi de voir Madame d'Alignac si tranquille. Rapidement, entre deux portes, elle m'avait dit « Ma tante n'entend rien aux maladies. Elle n'a jamais eu un rhume ni une heure de fièvre et, si mon oncle vient à mourir, elle en sera frappée comme d'un malheur inattendu. » Je voyais bien qu'Églantine avait raison, mais pas plus qu'elle, je ne pouvais faire comprendre à Madame d'Alignac que son mari était en danger. Tout le lui indiquait cependant, l'air soucieux et comme en colère de Monsieur Bon, l'égarement des yeux du patron ainsi que le rouge de son visage autrefois si pâle. Mais tout cela ne semblait exister que pour nous. Lorsque Madame d'Alignac touchait le front moite et les mains chaudes du malade, elle ne pensait pas à la fièvre et n'en accusait que la chaleur de juillet. Elle en arrivait même à me faire partager sa confiance, malgré les avertissements d'Églantine. L'exemple de Sandrine semblait lui donner raison. Elle aurait pu guérir avec du repos et des soins, avait dit Monsieur Bon. Le repos et les soins n'avaient pas manqué au patron. Sa femme n'avait marchandé ni sa peine ni son courage pour les lui assurer. Et maintenant que la machine à broder était reléguée dans un coin et les clientes difficiles éloignées pour toujours. Madame d'Alignac croyait fermement que rien ne pouvait menacer la vie de son mari. Et à l'inverse d'Églantine, elle gardait sa douce gaieté et faisait entendre son joli rire. On était en pleine morte saison. Les modèles à créer et les courses au magasin occupaient toutes les heures de Madame d'Alignac, mais il m'était facile à moi de rester auprès du patron pour prévenir ses moindres désirs. Les autres ne me laissaient pas dans l'embarras. Bulldog, qui savait faire le ménage vite et bien, se chargeait de mettre de l'ordre et de la propreté dans la chambre et du retour, qui surveillait les fioles à médicaments, courait chez le pharmacien dès que cela était nécessaire. Le patron se montrait heureux de nous voir si attentionnés. Il se fâcha pourtant lorsqu'il vit Berjounette grimper sur l'appui de la fenêtre pour nettoyer plus facilement les vitres. « Eh ! N'allez pas vous casser les pattes, espèce de grande sauterelle !» Et il ajouta en la forçant à descendre, « Pour ce qui me reste de temps à les voir, vos vitres !» Il aimait le bruit de l'atelier et pour n'en rien perdre, il m'obligeait à laisser toutes les portes ouvertes. Quelques ouvrières seulement étaient là et seule la machine de bulldog faisait entendre le claquement de sa pédale. Dès qu'elle s'arrêtait, le patron s'inquiétait, mais lorsque Berjounette chantait, il s'asseyait sur le lit et se retenait de tousser. Un autre bruit, qui venait par intervalles, retenait toute son attention. C'était un bruit dur, tenace et appuyé. Grand, grand, grand. On eût dit une forte mâchoire en train de broyer de la chair et des os. Ce n'étaient que les grands ciseaux de Madame d'Alignac qui accomplissaient régulièrement leur besogne. De longues journées chaudes passèrent sans apporter le soulagement que Monsieur Bon attendait. Le patron se moquait de lui par derrière. « Il ne voit donc pas que je suis au bout de mon rouleau ?» Je le laissais dire et riais avec lui. Tandis que je cousais près de son lit, il me parlait de sa femme. Tout ce qu'il avait à dire sur elle était à sa louange, et si la souffrance venait à lui couper la parole en lui rappelant que la mort était proche, il ne s'en effrayait pas et me répétait ce qu'il m'avait déjà dit 100 fois. Avec elle, j'ai eu ma part de bonheur. À la suite d'une permission de Clément, il oublia un peu sa femme pour me parler de mon futur mariage. Il m'en parlait avec des phrases espacées qui n'exigeaient pas de réponse. À vivre seul, on vit sans joie. Il laissait passer du silence et reprenait « On ne peut pas vivre sans joie ». Mais un jour que sa fièvre était plus forte, il dit soudain « Il n'a que de l'orgueil ». J'attendis, ne sachant pas s'il parlait toujours de Clément, et comme je levais la tête, il dit encore « Vous ne pourrez pas être heureuse avec lui ». Tout son corps affaissé semblait céder au sommeil, pourtant il reprit de la même voix sourde et affaiblie. Son cœur est comme un chemin brûlé où on ne rencontre ni source ni ombrage. Dans le bruit et l'éloignement, Madame d'Alignac n'avait certainement pas pu entendre, et je ne compris pas pourquoi elle entra si vite dans la chambre et pourquoi elle resta si longtemps à nous regarder l'un après l'autre. Elle toucha les mains de son mari, l'embrassa au front et repartit silencieuse comme elle était venue. Le patron écouta un instant les ciseaux qui recommençaient à mordre et ses yeux qui s'étaient fermés au départ de sa femme se rouvrirent tout grands lorsqu'il me dit « À vivre près d'elle, vous gagnerez sa douceur et son courage ». Je n'osais pas lui demander compte des autres paroles et il ne me parla plus de Clément. Églantine vint bientôt passer ses nuits auprès de son oncle comme j'y passais moi-même les jours. Lorsqu'elle arrivait un peu avant le coucher du soleil, le patron la recevait avec un beau sourire de gratitude, puis il s'endormait lourdement pour une heure ou deux. C'étaient là ses seules heures de vrai repos, car tout le reste de la nuit il étouffait ou s'agitait inutilement. Pour nous aussi, c'étaient les seules heures de vrai repos. Après notre dîner, nous nous réunissions toutes les trois dans l'atelier et, quoique nous n'ayons pas de secrets à dire, nous parlions bas et n'allumions pas la lampe. Ici encore, j'entendais parler de Clément. Madame d'Alignac vantait ses qualités de cœur et exaltait certains traits de son caractère. Il est actif et intelligent, et jamais les siens ne connaîtront la misère. Églantine ne la contredisait pas, au contraire. Elle ajoutait à l'éloge de Clément la tendresse reconnaissante qu'il avait vouée au patron, et elle prédisait une bien autre tendresse pour la femme et les enfants qui partageraient sa vie. Madame d'Alignac n'oubliait pas non plus que c'était à lui qu'elle devait le bonheur de son ménage, et comme si la connaissance de son passé eût été un lien qui devait m'unir plus fortement à son neveu, elle conta un soir comment s'était fait son mariage. Lorsqu'elle avait dû remplacer sa sœur auprès des trois orphelins, les deux fillettes ne lui avaient donné que peu de peine, mais il n'en avait pas été de même de leur frère. Ce gamin de 10 ans s'était montré dur, insolent et volontaire. Il ne répondait aux caresses que par des moqueries et aux reproches que par des accès de fureur qui épouvantaient sa tante et ses sœurs. Cependant, cet enfant si difficile à manier travaillait bien à l'école et passait pour un élève docile et respectueux. Sa docilité et son respect n'étaient pas moindres envers d'Alignac, le brodeur qui venait presque chaque jour prendre ou rapporter du travail à l'atelier. Et ainsi la jeune mère adoptive avait compris que pour élever un garçon, l'autorité d'un homme était nécessaire. D'autre part, le brodeur qu'on avait toujours connu effacé et timide avait pris de l'audace en devenant le grand camarade de l'enfant. Il rejoignait la petite famille dans ses promenades du soir et il ne manquait jamais de courir avec Clément autour des arbres et des bancs. Les deux fillettes avaient tout de suite fait des suppositions. « C'est moi qu'il veut pour femme, » disait Rose, déjà belle comme une fille à marier. « Si c'est moi qu'il aime, » disait à son tour Églantine, « il faudra bien qu'il attende que j'ai 15 ans. » Tout en riant avec les deux sœurs, leur tante pensait comme Rose et faisait pour elle et son jeune frère de beaux projets d'avenir. Cela avait duré jusqu'au soir où Dalignac s'était brusquement séparé des enfants pour marcher à côté de leur tante. L'air mystérieux du brodeur avait retenu les trois enfants à l'écart pendant tout le temps de la promenade, mais après son départ, les deux filles avaient demandé avec ensemble « Est-ce moi qu'il aime ?»« Ni l'une ni l'autre », avait répondu la tante. Et en riant de leur déconvenue, elle leur avait appris que c'était elle-même que le brodeur venait de demander en mariage. Ce souvenir, qui apportait aujourd'hui une grande gaieté aux deux femmes, ne fit cependant pas élever la voix à Églantine pour dire « Oui, et ton rire alors sonna si clair que j'ai vu pour la première fois tes beaux cheveux à reflets et ta taille bien mieux tournée que les nôtres. » Un peu de silence revint. Dans la faible clarté qui venait du dehors, je voyais les doigts d'Églantine jouer avec une mèche de cheveux échappée au peigne de Madame Dalignac. Elle l'allongeait doucement et, lorsqu'elle la laissait aller, la mèche remontait d'un seul coup en s'enroulant. « Ce que tu n'as jamais su, » reprit tout à coup Églantine, « c'est le tracas que nous nous sommes donné ce soir-là pour savoir ton âge. » Rose ajoutait je ne sais combien de dizaines à ses 15 ans, et moi je faisais des calculs dont je ne sortais pas. Elle rit tout bas en reprenant. À la fin, nous avons pensé à ton image de première communion qui était accrochée au mur de notre chambre. Nous n'osions pas décrocher le cadre, dans la crainte d'être surprise par toi, et nous sommes montées toutes deux sur la même chaise avec la lampe. On ne distinguait plus l'écriture, elle était comme fondue dans le parchemin et il ne restait que le nom du mois de mai imprimé en grosses lettres noires. Rose passa même un linge mouillé sur le verre du cadre, mais la date de ta naissance n'apparut pas davantage. Les rires d'Églantine et de Madame Dalignac se joignirent encore, mais quoiqu'ils fussent presque silencieux, je les reconnaissais comme je reconnaissais leurs mains unies malgré l'obscurité. Et tandis qu'elles échangeaient des caresses et des mots affectueux, je pensais à l'image de première communion qui se trouvait à présent dans la chambre du patron. J'en revoyais l'écriture effacée et la date perdue, et j'imaginais les communiants et les communiantes se relevant de la sainte table et se rejoignant par couple comme dans les mariages lorsque les époux sortent de l'église. Un autre soir, ce fut toute son enfance que Madame Dalignac nous raconta. Une enfance triste dont elle gardait un souvenir craintif et plein d'amertume. Sa mère n'avait jamais pu lui pardonner d'être venue au monde alors qu'elle se croyait de par son âge à l'abri de la maternité. « Tu me fais honte !» lui disait-elle. Et jamais elle ne lui permettait de rire ni de jouer avec les autres petites filles. Jusqu'à l'âge de 6 ans, l'enfant avait connu les caresses de son père, mais à la mort du brave homme, elle n'avait plus trouvé autour d'elle que la haine menaçante de sa mère. Au moment de l'apprentissage, elle avait dû faire chaque jour un long détour par une rue sale et peu fréquentée pour se rendre chez la couturière qui l'occupait. Son départ comme son arrivée étaient attentivement surveillés et lorsqu'un jour, entraînée par les camarades, elle avait osé revenir par la plus belle rue de la ville, sa mère l'avait frappée avec un tel acharnement qu'elle avait pensé en perdre la vie. Et toujours elle entendait ces mots qu'elle n'arrivait pas à comprendre. « Tu me fais honte !» Elle grandit pourtant, et avec ses 18 ans, la force qui poussait en elle éloignait la crainte que lui inspirait sa mère, et il lui arrivait de rapporter à la maison des airs appris à l'atelier. Elle cessait vite sous les sarcasmes. « Tu chantes pour attirer les amoureux !»« Non !» « Je chante parce que je suis gaie. »« Gaie ? Comment osait-elle être gaie avec la honte qu'elle traînait après elle ?» Mais voilà qu'un dimanche, en regardant s'épanouir le printemps, la jeune fille avait oublié la honte dont parlait sa mère et brusquement elle s'était mise à rire. Tout d'abord, elle ne sut pas pourquoi elle riait. Puis, en entendant résonner ce son clair, elle ne le reconnut pas comme son propre bien. Elle crut qu'il venait du dehors comme les hirondelles qui entraient par une fenêtre et ressortaient par l'autre, mais l'instant d'après, elle comprit que le rire était surtout entré pour faire du bruit, car il se haussa, s'étendit et résonna aux quatre coins de la maison. Il n'alla pas plus loin. Un choc, rapide comme la foudre, s'abattit sur lui et le tua. Ce fut ma dernière étape de souffrance, nous dit Madame d'Alignac en relevant un peu plus son doux visage. Elle fit une pause comme si elle prenait le temps de fermer une porte qui n'aurait pas dû être ouverte et elle ajouta « La couturière qui m'employait eut pitié de ma bouche enflée et le lendemain je quittais secrètement le pays pour suivre une famille anglaise. » Nos soirées passaient ainsi, une à une, et chacune d'elles nous rapprochait un peu plus. Parfois, une quinte de toux du patron nous mettait debout au milieu d'une phrase et nous nous séparions jusqu'au lendemain. Madame Doublet, qui venait assez souvent voir son frère, ne lui apportait pas précisément des paroles de tendresse. Sous prétexte de lui faire oublier son mal, elle le houspillait et lui reprochait aigrement son immobilité. Elle l'obligeait même à se lever et à marcher dans la chambre lorsque Madame d'Alignac n'était pas là. Il en résultait pour le patron une fatigue et un mécontentement qui augmentaient sa fièvre et allongeaient ses crises d'étouffement. « Elle met du feu sur mes brûlures, » disait-il. Il devinait son arrivée, quoiqu'elle ne vînt jamais aux mêmes heures, et avant qu'elle n'eût frappé à la porte, il l'annonçait. « Voilà Madame Jordonne !» Elle ordonnait, en effet, et de plus elle critiquait tous les conseils du médecin. Elle prit peur, cependant, le matin où je lui fis signe de se taire. Le patron avait eu une longue syncope dans la nuit et Monsieur Bon avait prévenu Églantine qu'il allait vers sa fin. Elle était là, justement, la gentille Églantine. Elle ne pouvait se décider à quitter son malade et sur son visage contracté, on voyait l'effort qu'elle faisait pour trouver un moyen de préparer Madame d'Alignac à son malheur. Dès sa sortie, Madame Doublet avait dû aller aussi en secret chez Monsieur Bon, car le soir même, elle nous rejoignit sans bruit dans l'atelier. Elle n'avait pas son air arrogant, mais sa voix manquait quand même de douceur lorsqu'elle dit à Madame d'Alignac « Le savez-vous? Que mon frère est très malade ?» Madame d'Alignac eut un haut-le-corps comme si on lui annonçait une nouvelle maladie de son mari. Et Madame Doublet reprit d'une voix moins dure. « Le pauvre, il sera peut-être mort demain. » Et comme Madame d'Alignac la regardait avec méfiance, elle eut un geste du pouce en disant « Demandez plutôt à ces jeunes filles. » Églantine fit un pas vif qui la rapprocha de moi et sa main s'accrocha solidement à la mienne. Madame d'Alignac nous vit ainsi. Elle ne nous demanda rien, mais ses traits se déformèrent et elle s'assit brusquement sur la table. Comme s'il n'avait attendu que cet avertissement pour mourir, le patron nous appela. Hey, « Hé, venez ici !» Son regard hésita sur nos quatre visages penchés, mais quand il eut reconnu celui de sa femme, il n'en détourna plus les yeux. Pendant un instant, il sembla prêter l'oreille à un bruit familier, et il dit, comme déçu, « Ah, oui, la journée est finie. » Et aussitôt sa respiration diminua. Il mourut sans agonie, presque debout, et son dernier soupir, long, rude et saccadé, me fit penser au bruit de sa machine à broder. Comme pour les veillées de couture, deux lampes furent allumées pour la veillée de mort. Madame Doublet emplissait l'atelier de crise et de lamentation, et Madame d'Alignac, qui rôdait silencieuse et sans larmes, heurtait la table de coupe chaque fois qu'elle la trouvait sur son passage. À chacun de ces heurts, une chose tombait de la table. Les craies savonneuses partirent les premières, et le maître en toile cirée les suivit en sifflant et se tortillant comme une mauvaise bête qu'on éveille. Puis, une pièce de soie à moitié déroulée tomba à son tour, et il nous fallut bien la ramasser pour ne pas la voir se gonfler et glisser en bruissant jusqu'à nos pieds. Les grands ciseaux eux-mêmes finirent par sauter de la table. Ils se fichèrent à cheval sur une lame du parquet et restèrent d'aplomb et inquiétants comme une barrière close. La chaleur de minuit n'était pas moins lourde que celle de midi. Pas un souffle d'air ne venait d'en haut. Les étoiles brillaient à peine dans le ciel noir, et sur l'avenue les marronniers étaient aussi immobiles que s'ils s'étaient endormis pour ne plus jamais se réveiller. Un peu après minuit, la douleur criarde de Madame Doublé se calma, et les jambes trop lasses de Madame d'Alignac l'obligèrent à s'asseoir. Elle prit place selon son habitude entre Églantine et moi, et le silence qui planait au dehors entra aussitôt dans la maison.